costume tendu. Le sang fige, se glace, s'enlise. Artère, terre, sphère, le canal s'étrangle et s'enlace. Lasse les particules du sens défini de l'angoisse. Te plongeons à coma euphorique, à conflit platonique, avide non déterminé des ventricules qui n'attendent pas demander ton avis, mais n'en font qu'à leur tête. Blême. Le sang coule au pied d'une Vénus qui n'en a pas regard. Vite, vite, tu n'en ferais rien. Chasses intrépides qui se morfent au plus fond du clash. En délicte les morales, c'est ce qui te rend si livide. De plein gras et tu fusionnes le grand tout qui forme un grand rien. Se laisser vider de venir de ton dieu. Des vents et marées, des montagnes, il ne serait plongé. Nage sage, une plage, un marécage. Tu restes stoïque à celui de ton déclin. Perdu seul, remonté le temps en stop. Courant circulaire, tu tournes en rond, tu en deviens infini. Indéfini. Celle qui te fait perdre tout ton souffle, toute envie. Nihilisme, blasphème, le sang de nos espèces divisées n'y ferait rien. Un unique soulagement catholique à répétition ultime. Attends ma garce en révolution, de ne pas participer à une fin certaine. Je bronche, j'embroche, t'es l'incarnation sans mère et affligeant. Pendant tout sa splendeur incessante, tu ne te vaux jamais.